Gallagher's High Flying Birds. Infos et réservations, points de vente habituels et livenation.fr. Moi, Agatha Reza, je suis devenue une star. Il faut dire que j'arrive à vous faire rire avec des enquêtes tordues, des assassinats improbables, des affaires biscornues. Mais là, il m'est arrivé pire que la pire des énigmes tordues. Je me suis mariée. Vous croyez que ça va me calmer? Eh bien, la preuve que non, c'est qu'on me soupçonne déjà d'avoir assassiné mon mari. L'enfer de l'amour. La nouvelle enquête déjantée d'Agatha Reza. Mariée, mais toujours complètement Reza. Un livre Albin Michel. Bonne journée sur RTL. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia. Oui. Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Merci à toute l'équipe. Il est 9h31. On retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour Julien. Alors j'ai appris que vous alliez lire le Karl Marx sur M6 oui, maintenant. Exactement. Là, depuis le Capital. Hier soir, je lis Les Échos, Le Figaro Écho, Le Capital, Challenge. Je parle à mes enfants comme ça maintenant. Derrière cette porte, une femme qui fait à manger. Objectif, nourrir 4 personnes. Nous avons voulu enquêter sur la façon de cuisiner de Catherine Courbet. Il est 20h10, le repas démarre. Enfin voilà, donc maintenant, moi, je trouve ça je m'y bien. Mets et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Ah, bah, j'en doute pas, oui. Voilà, pas une voilà la bon, suite au mois de septembre. On est très heureux pour vous, nous. Je suis ravi, écoutez, défendre une telle marque qui est quand même emblématique 30 et que 30 ans et que je regarde depuis que. C'était pas un prime au départ, hein. Je crois qu'au départ, Emmanuel Chin, c'était une chronique et c'est avec Nicolas Taverneau qu'ils ont décidé de lancer ça. Je suis ça, moi, depuis maintenant 30 ans et c'est un honneur de pouvoir défendre. On est un peu dans le même environnement, hein. Moi, je regarde par le prisme du client. Si je peux vous aider, oui, voyez, faites très très attention. Je à ce que vous m'aperçois, allez dire. Yves Calvi, qu'on ne peut pas avoir une discussion sérieuse avec vous. Si certains en doutaient, voyez, je parlais d'économie, macroéconomie, microéconomie, et immédiatement vous dérivez, et c'est très gênant. Ça me met très mal à l'aise. Parce qu'en ce moment, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Taverneau qui est en train de m'écouter en disant « Voyons comment il va vendre le truc. » Ah oui, il va bien se débrouiller. Et vous m'avez bien foiré le truc. Et je vais devoir attraper ça toute la journée. Mes amitiés, monsieur Calvi. On vous embrasse. On a hâte de vous retrouver à la télévision. Merci aussi sur beaucoup. M6. Salut. Salut, merci. Démarrons maintenant, si vous le voulez bien, avec les missions du jour. Marie-Christine nous dira ceci. Je vous appelle de Saint-Denis, donc c'est au sujet de mon fils qui est plombier à son compte. Il a travaillé pour un artisan sur un chantier d'un supermarché. On lui doit toujours, à ce jour, 2600 euros. Et j'entendais le pays qui vous disait « Reviens, reviens !» Il y a également ce duplex qui va être organisé dans quelques instants puisque Sophie nous a déjà dit ceci. Je vous appelle des Hauts-de-Seine. Ma cuisinier devait me livrer un plan de travail. Finalement, on s'est mis d'accord pour qu'il me rembourse mon acompte de 1416 euros. J'attends toujours qu'il me le restitue. Et nous avons Hervé Pouchel qui est en duplex. Vous m'entendez, Hervé ? Oui, tout à fait. Moi, j'attends que ça ouvre pour l'instant, parce que c'est fermé. De toute façon, vous êtes un peu aussi le spécialiste des entreprises fermées. Nous verrons si vous avez un peu plus la baraka tout à l'heure. Voici l'équipe qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Il y a la grande avocate pénaliste au barreau de Paris, Maître Novakovic, qui est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Maître Fellonneau. Bonjour Julien, bonjour. Bernard Sabat. Bonjour Julien, bonjour à tous. Céline qui est avec nous. Bonjour à tous. Vous écoutez le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France. Merci d'avoir choisi RTL. N'oubliez pas que pour nous joindre, vous pouvez faire le 3210 ou vous pouvez faire tout simplement le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer, faut appeler Julien Courbet. Et nous revenons sur le cas de Marie-Christine. Marie-Christine qui est en ligne avec moi sur l'antenne d'RTL. Bonjour Marie-Christine. Oui, bonjour Julien. Comment elle va Marie-Christine ? Bah écoutez, ça va, on a le soleil, la chaleur. Je me doute, alors vous appelez d'où exactement ? J'appelle, je suis dans le Var. Dans le Var. Marie-Christine, expliquez-nous ce qui est arrivé à votre fils Grégory, c'est un nouveau cas, c'est parti. Alors voilà, donc mon fils est plombier à son compte et il a été sollicité par un artisan pour travailler à sous-traitance sur le chantier d'un supermarché de la région. Et donc, l'artisan qui l'a fait travailler lui doit toujours à ce jour la somme de 2600 euros et depuis 8 mois, voilà. Alors, quand vous appelez ou quand votre fils appelle pour demander, parce que c'est quand même une belle somme, hein, 2602 euros pour un jeune, quel âge il a, Grégory ? Quel âge a-t-il? Il va avoir 26 ans vendredi. Et quand on l'appelle, qu'est-ce qu'il répond, le patron? Ben, il répond pas. Après, donc, mon fils a un peu baissé les bras, c'est moi qui ai pris le relais. Alors, il répond pas, on laisse des messages. On finit par l'avoir au bout de plusieurs semaines. Il a toujours les mêmes arguments. Il donne, alors un coup c'est son papa qui est malade, bon. Un coup il doit faire une réunion avec l'hypermarché en question. Oui, parce que lui, je suppose voilà. Qu'il doit dire c'est l'hypermarché qui ne m'a peut-être pas payé. D'ailleurs, on appellera exactement, à un moment ou un autre. Il dit que le supermarché, il y a une réunion voilà. Qui doit se faire. Eh bien, nous avons et que voilà. Alors voilà. Céline, vous avez enquêté là-dessus. Qu'avez-vous à rajouter? Eh bien, nous avons contacté un menuisier qui a travaillé également avec cette société. Voilà ce qu'il nous dit. Vous allez voir les conséquences sont quand même très très graves pour son entreprise. Il aurait plus de 10 000 euros d'impayés. Cette entreprise me doit 9 200 euros exactement. Depuis le mois de novembre, je n'ai rien touché. J'ai vu le client personnellement, donc qui m'a bien confirmé qu'il avait réglé la totalité de ma facture à cette entreprise. Et qu'est-ce qu'elle vous répond quand vous réclamez votre argent? Ah ben qu'elle l'a pas vu et que qu'elle n'a pas été pour l'instant réglée par le client, donc ce qui est totalement faux. Vous êtes tout seul dans votre entreprise? Maintenant on est deux puisque à la suite de ce préjudice, j'ai dû mettre mon fils au chômage. Ça va pas lui demander s'il est tout seul comme ça dans son entreprise. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec lui? Je place mes billes au cas où, voilà. Je fais mon travail en même temps. Bientôt les enquêtes, ça sera. Ça vous porte préjudice, oui. Mais vous êtes tout seul dans votre entreprise? Ben oui, oui. Vous êtes marié? Ben oui. Mais elle est pas là, votre femme, en ce moment. Oui. Vous aimez les brunes à la peau très claire? Enfin bref, s'il vous plaît quand même. En sachant que je vous ai diffusé qu'un extrait de la conversation. Bien sûr, moi je sais bien. Et vous avez bien fait de vous censurer un petit peu. Bon, alors quand je vois, bien sûr, celui qui a commandé les travaux, énorme enseigne, je doute fort qu'il n'ait pas payé les artisans. Nous allons vérifier tout ça. Maître Noakovic, là c'est tribunal du coup de commerce, puisque c'est un plombier face à une autre entreprise. Tout à fait, on est entre commerçants, donc bien sûr c'est tribunal de commerce qui est compétent. Alors ce qui me chagrine dans ce dossier, si vous voulez Julien, ce que nous a dit Marie-Christine, c'est que son fils aurait fermé son entreprise. À cause de ce débit. Donc c'est très très embêtant. Donc il est important qu'on arrive à résoudre cette difficulté dans les meilleurs délais, parce que jusqu'à présent il n'a pas apparemment contesté cette facture. Donc voilà, ayons des explications. Bien sinon sûr. Évidemment il n'aura pas d'autre choix que de saisir le tribunal. Alors Marie-Christine, nous allons faire ça dans une seconde. Je vais appeler, puis je vais essayer de créer un climat de confiance, un climat de votre région, parce que ça sert à rien de hurler. Je pense que par le dialogue, on peut bien sûr expliquer à ce monsieur. Farfadin, qu'est-ce que tu fais? Rends-lui ces 2000 euros. Allez, viens, on va aller sur la place du village, on va boire un petit coup et on va voir comment me paroger le coup. T'es vraiment qu'un fanat, toi, hein? Regarde-moi ça. Prends donc que tes gargouillettes et tu les mélanges avec des paillouillettes de martigues, là, tu vas voir, tu vas te régaler. Car c'est ça la vie, mesdames et messieurs. À tout de suite sur RTL. Ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Alors il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité bien sûr, construire un balcon et agrandir le salon. Ok. Pour la fin de la semaine. Ça ira ? Vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99 euros par mois. Loyer après apport de 1 450 euros, montant hors taxe pour une LLD 24 mois à 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford Lease, Bremen Lease, voir Ford.fr. Waouh Sylvie, c'est toi? Mais t'as vachement minci. Bah tu sais, ça fait 2 ans que j'ai perdu 15 kilos avec Comme J'aime. Et t'as rien repris? Bah non, grâce à Comme J'aime, j'ai minci et j'ai surtout repris de bonnes habitudes alimentaires. Avec Comme J'aime, dites adieu à l'effet yo-yo. Perdez du poids durablement en prenant de bonnes habitudes alimentaires. Pour seulement 12 euros par jour. Oui, 12 euros par jour. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Écoutez, vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz? L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins MobilePa sur mobilepa.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL s'intéresse au cas de Marie-Christine. Son fils est plombier, il a travaillé sur un chantier pour une facture de 2600 euros qui n'est toujours pas réglée. Il n'a pas eu d'autre choix que de fermer sa société. C'est terrible. Hein, alors c'est vrai que c'est des petites sommes, mais je suppose qu'il était peut-être auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Donc immédiatement, une petite somme vous coule non payée, vous coule une entreprise. Mmh. Déjà, appelons pour essayer d'avoir quelqu'un. On n'est pas sûr d'avoir quelqu'un, on sortira le porte-voix. Allô? Bonjour. Momentanément absent. Merci de laisser un message. J'ai dit que l'objet de votre appel, je ne manquerai pas de me rappeler. Coupez, s'il vous plaît. Céline, je vous demande d'obtempérer. Ça me rappelle un peu, ils parlent comme ça souvent, les agents sur le bord de la route. Bonjour monsieur, voulez-vous obtempérer, s'il vous plaît? Bon, donc il n'est pas là. Nous avons un autre numéro peut-être, Céline? Oui, tout à fait, nous avons le numéro de son fils. C'est parti. Qui travaille également avec lui. On y va. Sur cette entreprise qui se trouve dans le sud... Avant de sortir le porte-voix, ils sont peut-être en chantier. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez le principe de l'émission. Là, on lance les hameçons, puis on va remonter les lignes vers 10h15, 10h20 dans le Money Time. C'est là que tout le monde doit... Allô, bonjour, je suis bien chez Laurent ? Non, son fils. Ah, bah, pardon, Robert. Oui. Robert, bonjour, Julien Courbet à l'appareil. C'est la radio RTL, nous sommes en direct. Robert, je vous appelle car je suis avec la maman de Grégory Abeille qui a travaillé pour vous sur un chantier qui n'a pas été payé. Le pauvre, il a même fermé depuis. Un chantier que vous avez fait pour un supermarché qui se trouve à Saint-Zacharie. Ouais. Alors, est-ce qu'il est vrai que vous lui devez 2602 euros comme il nous le dit ou est-ce qu'il nous dit des bêtises? Oui, tout à fait. Il nous dit des bêtises? Tout à fait. Vous l'avez payé? Tout à fait. Ah, Marie-Christine, nous voter, ils vous auraient payé. Ah, ben écoutez, qui me montre le paiement, hein. Parce qu'apparemment, alors il n'est pas le seul, Robert, il y aurait... pardon, il n'est pas seul, celui, il y aurait une autre oui, personne. Oui, tout à fait, un autre menuisier qui s'appelle Monsieur Vitos de la société menuiserie azuréenne, qui aurait un impayé de presque 10 000 euros. Alors, est-ce que vous... nous avons Laurent. Le gérant en ligne, tant mieux. Laurent, vous m'entendez? Je suis son fils. Robert, il y a Laurent qui est en ligne aussi. Ça tombe bien, on a Laurent et Robert en ligne. Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL, Monsieur Taricot. Je suis avec la maman du jeune Grégory Abeille, qui est de AG Plomberie, qui nous dit, le pauvre, qu'il a dû même fermer sa boîte parce qu'il a un impayé de 2602 euros. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, bien sûr. Bon, vous lui devez vraiment cet argent, on est bien d'accord? Mais est-ce que vous êtes au courant de la situation? Justement, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur, pour vous y... Parce que comme il n'est pas le seul, je crois qu'il y a la menuiserie azuréenne aussi qui est en galère. Qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur? Non, mais vous êtes au courant de cette situation qui se passe? Je vous pose la question, monsieur. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Ouais, les malfaçons de réaliser, vous êtes au courant? Alors, est-ce que vous lui avez envoyé une lettre recommandée en lui disant « il y a telle malfaçon, telle malfaçon, telle malfaçon » ? Non, mais j'essaye de le joindre. Ah. J'essaye de le joindre, il ne répond pas, c'est tout à sa maman. Qui c'est le gérant de la société? Qui c'est le gérant de la société? Ne me parlez pas mal, monsieur, je suis un gentil garçon, vous savez. Non, je ne parle pas mal, en aucun cas, je parle mal. Voilà, qui c'est le gérant de la société? Le gérant de la société, c'est lui, c'est Grégory Abeille. Alors pourquoi il ne me répond pas quand je l'appelle? Que ce soit lui ou sa maman, si vous voulez, on va demander. Alors allez-y, Marie-Christine, pourquoi il répond pas? Ah ben il donne toujours, au début c'était des réunions de chantier. Marie-Christine, c'est pas la question. Pourquoi ce n'est pas Grégory qui parle directement à ce monsieur? Alors, Grégory ne veut plus avoir affaire avec ce monsieur parce qu'il répond jamais quand on l'appelle, il ne l'a pas payé. Et actuellement, il s'est trouvé donc un emploi et il peut pas parler au téléphone. Il va pas perdre encore son emploi pour pouvoir. Surtout qu'il ne ça sert à rien, il lui répond pas. Donc, ceci étant dit, monsieur, essayons d'être calme et de parler entre personnes intelligentes. Je dis ça surtout plus pour vous que pour moi d'ailleurs. Est-ce que vous avez écrit à la société de Grégory, AG Plomberie, en lui disant « Monsieur, je ne suis pas content, voilà, j'ai listé toutes les malfaçons ». Est-ce que vous l'avez fait? Ah non, en aucun cas, je serais menteur de vous dire que je l'ai fait, en aucun cas je l'ai fait. J'ai essayé justement de rentrer en contact avec ce monsieur, d'accord, qui ne m'a jamais répondu, d'accord, voilà, à l'issue, qui ne m'a jamais répondu, il ne me répondait pas, voilà. Et par l'intermédiaire, par l'intermédiaire de sa maman, c'est elle qui est rentrée en contact avec moi. D'accord. Voilà. Que j'y ai expliqué, justement, ce qui se passait. Voilà. Il y a eu un PV de réception. Ça, pas de nouvelles de ce monsieur. Est-ce qu'il y a eu un PV de réception, monsieur ? Non, toujours pas, au jour d'aujourd'hui, toujours pas. D'accord. Et alors pour les menuiseries... Parce que justement, il y a des alimentations qui n'ont pas été faites. Il y a des alimentations qui ont été tenues par du scotch, et on a constaté ça il y a 2 semaines en arrière. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça. Voilà. Alors, Marie-Christine... Marie-Christine, oui, alors attendez, Céline voudrait dire un mot, c'est elle qui s'est occupée du dossier. Juste, Marie-Christine m'a quand même confié lors de l'enquête que Super U, donc le client final de ce chantier, a recontacté le fils de Marie-Christine pour d'autres chantiers, pour le faire revenir. Alors, on va appeler Super U déjà pour leur dire s'ils sont contents ou pas contents, oui. On va les appeler pour savoir ce qu'il en est. Et en ce qui concerne la menuiserie azuréenne, c'est aussi des problèmes de malfaçon ? Les 10 000 euros ? Il y a eu des volets roulants de découpé. Okay. Alors, on va appeler Super U, d'accord. Ok, bon, je vais appeler Super U, je vais leur demander s'ils sont contents ou pas contents, et puis après on vous rappelle, parce que ça, ce jeune homme est vraiment en galère. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Alors j'ai une petite précision à vous poser, enfin j'ai une petite précision à vous demander surtout. Comment expliquez-vous qu'on vient d'avoir votre fils au téléphone, qui nous a dit oui, ça a été réglé, donc apparemment il n'y aurait pas de contestation, puisqu'il a indiqué que c'était réglé. Non, il a dit oui, il n'a pas, pas dit tout à fait ça. Donc comment expliquez-vous ça? J'ai pas. Non, mais il n'était pas là, il n'a pas entendu. Oui, mais justement, c'est pour ça que je voulais lui dire. Oui, bon, parce que quand on appelait votre fils, il nous a dit non, on ne lui doit rien du tout. Donc vous nous dites, on lui doit parce qu'il a mal fait. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on appelle Super U ensemble, monsieur, pour qu'on voit si les travaux de plomberie ont été bien faits ou mal faits ? Ah non, mais moi, il n'y a aucun souci. Moi, il n'y a aucun souci. D'accord. Par contre, en aucun cas, mon fils y est pour quoi que ce soit. Ah non, on a pas dit qu'il était dans le coup. Non, mais que les choses soient claires. Oui, moi, je veux pas m'énerver. Maintenant, si on veut rentrer dans des débats comme ça, moi, je vais faire des lettres de témoignage parce qu'on est au téléphone. Oui. Comme quoi, monsieur Abeille se prend la tête à coup de shit le soir quand il vient travailler sur le chantier, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Non, alors maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans des débats et qu'on fasse des lettres de témoignage, moi, il n'y a aucun souci. Des lettres de témoignage, je peux en faire. C'est une personne qui est venue sur le chantier, d'accord, qui a été fournie tout en marchandises, il a été prestataire de service, il a fait de la main d'œuvre, il a travaillé 3 heures par nuit, tout le reste du temps, il était sur le fauteuil dans son véhicule, d'accord. Il y a les caméras du supermarché Super U qui l'ont filmé. Moi, je me suis pris des réflexions par justement le client qui était présent sur place. On est bien d'accord. Quand j'ai demandé des interventions à faire, il me disait qu'il allait à PMP sur justement moi pour prendre du matériel. Il me disait je suis désolé, il n'y a pas de matériel. C'est totalement faux parce qu'à l'issue de ça, j'ai téléphoné à mon fournisseur. J'y disais. Alors Marie-Christine, comment ça se fait ? Non mais attendez. Marie-Christine, laissez-le parler. Oui. Comment ça se fait que le matériel n'est pas là, qu'il n'est pas présent sur le chantier et tout ? Il m'a dit non. Il m'a dit ton plombier il n'est jamais passé chez nous. Voilà. Bon, donc, alors, ça c'est très clair, monsieur. Voilà, alors, c'est un petit jeune qui se lançait. J'étais là pour y filer un coup de pouce, pour l'aider au maximum. Ça marche, mais monsieur, écoutez-moi, tout ça je l'entends, mais il faut régulariser la situation. Si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Laissez-moi finir un petit coup, vous allez voir. C'est pas complètement inintéressant ce que je vais vous dire. Faites les choses en règle, envoyez-lui une lettre commandée en lui disant, monsieur, je constate que ça, de ce fait, je ne vous paie pas et je ne vous paierai que quand vous l'aurez fait, mais on peut pas dire, je suis pas content, je paie pas. Au moins, les choses sont claires, nettes, et comme ça, s'il y a un procès, chacun fait ce qu'il fallait. Maintenant, Marie-Christine, on va se retrouver dans une seconde. Mais Marie-Christine, je vais vous donner un point de vue. Il faut que votre fils, il nous parle. Il faut qu'il prenne une pause de 10 minutes. C'est lui l'entrepreneur. On ne peut pas envoyer sa mère comme ça téléphoner. Ce monsieur dit des choses graves. Vous n'étiez pas sur le chantier. Il faut que votre fils puisse se défendre. Donc, essayez de le contacter comme vous pouvez. Il prend une pause de 5 minutes. Mais il faut qu'il puisse vous dire des choses. D'accord ? À tout de suite sur l'antenne d'RTL. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Dit définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Chez Feuvert en juin, on prépare les vacances avec Michelin. Jusqu'à 80 euros offerts pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin. C'est ça, la patte de l'expert. Modalité sur feuvert.fr. Élever seul ses enfants, ça arrive. S'occuper d'un parent dépendant, ça arrive. Faire face à une maladie grave, ça peut arriver aussi. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous renonciez à votre vie personnelle ou professionnelle. Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimer avec deux M, c'est vous permettre d'accompagner vos salariés dans leurs difficultés, grâce à plus de 200 experts en action sociale. Malakoff Médéric, on vous aime avec deux M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Bourgogne. À Gilly-les-Citeaux, la fromagerie Delain est spécialiste du Brillat Savarin, surnommé le foie gras des fromages. À sa création, il s'est d'abord appelé Excelsior ou Délice des gourmets, pour finalement devenir en 1930 le Brillat Savarin en l'honneur du gastronome du même nom, auteur entre autres du célèbre aphorisme « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». U. Commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste? Quand vous dites tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien et même les pneus. Et si mon Kangoo est immobilisé? Vous avez une assurance qui rembourse votre journée de travail perdue. Vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons près de 1200 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé, tout de suite? Ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Toujours avec Monsieur Taricot pour cette histoire. Donc, vous nous résumez maintenant, s'il vous plaît, Charlotte. Oui, c'est Marie-Christine. Son fils a un impayé de 2600 euros. Il est plombier. Il a travaillé sur le chantier d'un supermarché. Et suite à ce trou de trésorerie, il a dû fermer sa société. Alors, on a écouté la version de Monsieur Taricot, qui a donné sa version. Et on ne la conteste pas. On écoute les deux. Juste, Monsieur Taricot, je voudrais éclaircir quelque chose. Il y a eu des échanges de mails entre vous et Grégory Abeille, dont un où vous dites... Non, en aucun cas. En aucun cas, il y a eu des échanges de mails. Ah, mais moi, je les ai sous les yeux. Mais... Non, mais je veux bien, je suis d'accord. Monsieur, laissez-moi lire les mails, je les ai sous les yeux. Je ne les ai pas inventés. Si vous êtes bien lv.tarico. Oui. Eh ben voilà, non, mais je les ai reçus. Eh bien alors, j'aime bien ce que je vous dis, il y a un échange de mails, je vais le lire, ne vous énervez pas, je dis simplement qu'il y a un mail, vous dites non, il n'y a pas de mail, il y a eu des mails. Et vous lui avez même répondu, puisqu'il est envoyé par LV Taricot, le 6 juin 2018 à 12h41, le 6 juin 2018 à 12h41, voilà ce que vous avez écrit. Alors, écoutez-moi bien, ça commence comme ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est ce que le mail démarre comme ça. Il n'a en aucun cas été spécifié que je devais vous verser un acompte. Je vous ai fourni tout le matériel. Que vous en avez gardé, raccord, etc. Je lis tel que c'est écrit. Il a fallu vous mettre à disposition de mon personnel car vous n'étiez pas capable de descendre et monter les chauffe-eau ainsi que de tirer certaines canalisations. Et encore, j'en passe sur le comportement de votre part sur site, réflexion du conducteur de travaux. Et au cas où vous avez oublié, on n'a signé aucun devis ensemble. Donc ça, monsieur, essayez de m'expliquer comment vous faites pour travailler avec des sous-traitants sans devis, parce que normalement, c'est la moindre des choses. Pourquoi vous n'avez pas signé de devis avec lui? Quand on fait travailler quelqu'un, en général, on lui dit ce qu'il va faire et pour combien. Et vous terminez par « Alors, je suis d'accord pour vous régler, mais avant cela, je vais faire un point avec le directeur. » Alors, de quel directeur parlez-vous? Le directeur de Super U. De chez Super U? Bon, alors, on appelle le directeur de Super U, comme ça on parle avec lui, et on va savoir ce qui se passe. Je vous retrouve dans quelques instants. Merci, monsieur, en tout cas, de nous permettre de faire la lumière là-dessus. Donc, le temps d'appeler le directeur, on se retrouve, et au moins, les choses sont dites. Chacun peut s'exprimer dans cette émission pour donner sa version des faits, et ça sera ainsi dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Voici REM, le temps d'appeler ce fameux Super U. C'est Losing My Religion sur RTL. REM, Losing My Religion. J'aimerais l'analyse de Maître Novakovic donc sur ce cas dont nous parlons depuis tout à l'heure avec Grégory qui dit on ne m'a pas payé, j'ai sous-traité pour une entreprise. Nous sommes en train d'essayer d'appeler le supermarché pour savoir si le directeur peut nous parler. Mais que pensez-vous de ces échanges de mails dans lesquels, c'est vrai, hein, ce monsieur reproche à notre jeune auditeur un certain comportement, de ne pas avoir monté, baissé les chauffe-eau, mais est-ce que pour autant, on se fait justice soi-même en disant « je ne paie pas » ? Pas du tout, Julien. D'ailleurs, il n'y a pas de lettre commandée contestant les travaux, il n'y a pas effectivement la moindre réflexion concernant le fait qu'il n'allait pas régler, puisque regardez, la dernière phrase de ce mail, il dit bien « j'entends régler, mais on doit faire un point avec le directeur de Super U ». Donc, je veux dire, là-dedans, je ne comprends pas effectivement cette résistance. Il n'y a même pas un acompte de verser, il n'y a rien apparemment. Donc, vraiment, il faut une discussion avec le directeur de Super U et également avec cet entrepreneur qui doit absolument honorer ses engagements. En ce qui concerne la menuiserie, s'il vous plaît, Céline, c'est décalement un impayé sur le même chantier ? Alors non, c'est sur un chantier précédent qui avait travaillé. Donc c'était Monsieur Vitos qui avait également travaillé avec le fils de notre auditrice. Ce chantier s'était très bien passé et donc c'est un impayé de presque 10 000 euros. D'accord, ok. Bon, allez, pour l'instant, Bernard est en train de discuter avec le magasin et j'espère avoir le directeur dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Bonne journée à tous. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, hammam, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à conditions. Détails sur mercedes-benz.fr. Leclerc. Philippe, c'est quoi ce bidon là dans l'entrée ? De l'huile moteur Total Active à 7000 avec 30% de tickets Leclerc et dont ta voiture manquait cruellement. Ah bon ? Ah oui. En plus, c'est un produit partenaire du grand jeu La Ligue des supporters. 2 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner des kits de supporters et des ballons. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le bidon de 5 litres d'huile de moteur Total Active à 7000, diesel ou essence, est à 21,50€, soit 4,30€ le litre, avec en plus 30% de tickets Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Parce qu'une voiture, ça s'entretient. Une question à Didier Tabar. Président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical ? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche ? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermetés avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Filorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur filorga.com. Bonjour, vous. Vous cherchez une véranda ? Oui, madame Latsou. Eh ben, devinez ce que j'ai découvert, Jacques Hénard. Je sais pas. Le rapport qualité-prix est fabuleux. Avouez que ça vous intéresse. On est tous pareils. On aime faire des bonnes affaires. Un sou est un sou, madame Latsou. Affirmatif. Je peux vous le dire, j'ai pas trouvé mieux. Et croyez-moi, Hénard est pas numéro un pour rien. Oui, Chantal. Non, mais sans blague. Akena, la reine des vérandas. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un, pour rester libre de vos mouvements. En ce moment chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99€, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Merci d'avoir choisi RTL. Dans quelques instants, nous reprenons ce gros dossier, puis nous attaquerons un deuxième. Nous vous attendons au 3210 en vous souhaitant une belle journée. What's the sense in sharing this one and only life? RTL 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Marie Mollet. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Y aura-t-il des perturbations dans les trains pour les grandes vacances ? La grève à la SNCF va se poursuivre cet été, mais cette fois ce sera uniquement à l'appel de la CGT et Sudrail. Le front syndical explose, la CFDT et l'UNSA ont décidé de sortir du mouvement à partir du 28 juin. Le président de la CGT cheminot, Laurent Brun, estime lui que la bataille ne fait que commencer. Donald Trump met sa menace à exécution et retire les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le gouvernement américain accuse cette institution de servir ses propres intérêts, d'être hypocrite et d'avoir un parti pris contre Israël. Ce sont les mots de l'ambassadrice américaine à l'ONU. Et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU justement condamne la politique migratoire de Donald Trump. Le président américain revendique une tolérance zéro aux frontières et continue de séparer les enfants migrants de leurs parents, y compris les bébés. Il plaide plus que jamais pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine, une politique qui crée un tollé chez les élus démocrates. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a été élu sur une ligne régalienne d'autorité. C'est ce qu'a dit ce matin Jean Leonetti, le nouveau numéro 2 du parti. Il était l'invité d'RTL Matin. « Je ne suis pas la caution centriste de Wauquiez », a-t-il affirmé. Salah Abdeslam, le dernier djihadiste vivant du commandant du 13 novembre, a été hospitalisé hier. Il souffre d'une crise d'appendicite et a été extrait de sa cellule de Fleury-Mérogis. Il est soigné à l'hôpital de Corbeil-Essonne sous très haute surveillance. Le GIGN est sur place. Les APL vont de nouveau être amputées de 5 euros. Plus précisément, les aides au logement ne seront pas revalorisées comme d'habitude au 1er octobre. Le gouvernement avait pourtant fait amende honorable après le premier coup de rabot l'an dernier. Il avait reconnu une mauvaise idée. Le mondial de football et la Russie quasi qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire 3-1 sur l'Égypte hier. Trois matchs à suivre aujourd'hui. Portugal-Maroc, Uruguay-Arabie Saoudite et Iran-Espagne. La Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 ouvre à la hausse de 0,2% à 5401 points. Les courses, c'est à Reims cet après-midi. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 7, l'As, le 5, le 14, le 4, le 13, le 9, 3, 7, As, 5, 14, 4, 13, 9. Et sa dernière minute, c'est l'As Bachar. La météo pour cet après-midi, c'est presque l'été. Du soleil partout, sauf sur la Manche et la Bretagne, où quelques nuages resteront tenaces. Les températures de cette journée la plus chaude de la semaine, 18 à Cherbourg, 21 à Brest, 26 à Amiens, 28 à Paris et à Nantes. Et au sud, ça s'envole, 30 à Marseille et Clermont-Ferrand, 32 à Perpignan, 33 à Toulouse, maximale à Bordeaux. 34 degrés. Vous écoutez RTL, il est 10h03. On retrouve tout de suite Julien Courbet. Ça peut vous arriver. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Est-ce que vous pouvez faire 2 à 3 minutes de plus? Parce que là, on a juste le temps de se servir le café. J'essaierai pour les prochaines fois. On prend une gorgée, on essaie de commencer une conversation. On ne peut pas, on nous dit le flash est terminé. Donc vous faites, prenez votre temps. 10, 12 minutes. Les prochaines fois, ça sera plus long. Parlez un peu de vous, de votre famille, de vos vacances. Les gens ont envie de savoir. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure, Marie. Nous avons démarré très fort. Un seul sujet, mais quel sujet? Voici un rapide au point info. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. C'est un impayé à la base au départ. Et oui, son fils Grégory, le fils de Marie-Christine, était plombier, auto-entrepreneur, mais il a dû cesser son activité à cause de cet impayé, 2600 euros. Il est donc urgent de régler son problème. Alors nous avons appelé, évidemment, comme nous le faisons à chaque fois, la partie adverse, afin qu'elle nous donne une version, qui est d'ailleurs un peu différente de celle du fils de Marie-Christine. J'ai d'ailleurs conseillé à Marie-Christine d'appeler son fils. Je comprends que celui-ci soit en train de travailler, mais j'ai envie de lui dire, celui que nous dérangeons également, Laurent Tarico, est aussi en train de travailler. Donc il faut, si son fils est entrepreneur, qu'il prenne le téléphone et qu'il parle à ce monsieur qui a dit des choses relativement graves, peut-être fausses ou vraies, je n'en sais rien, mais il faut que le fils de Marie-Christine puisse nous répondre là-dessus. Nous avons lu un mail et nous allons donc essayer d'avoir, peut-être d'ici la fin de l'émission, le directeur du magasin où ont eu lieu les travaux, puisqu'apparemment c'est lui qui détient la vérité. Oui, et je voudrais vous lire également un autre message écrit par monsieur Laurent Tarico le 6 juin 2018, donc à notre auditeur, qui indique « Bonjour, nous réintervenons sur site ce vendredi car le travail n'est pas fini en totalité et je me ferai faire un papier de Hyper U pour vous prouver ma bonne foi. » Et là, on discutera du paiement. Donc, vous voyez, il dit qu'il parle de sa bonne foi, etc. Aujourd'hui, il vous donne une version totalement un peu, on va dire, radicalement différente. Puis, c'est étonnant. J'ai pas eu le temps de lui dire, mais je pense qu'il le sait. Il a quand même lancé des accusations assez graves sur l'antenne. Il faut faire attention, on est en direct, parler de pétards et de machins. C'est pas et de terrible. Témoignages. Non, c'est pas terrible. Alors, mais non, s'il a des témoignages, etc. Mais enfin, ça n'apparaît nulle part sur ça les mails. Ça n'apparaît pas sur les mails, alors, en tout cas. En ce qui concerne le directeur, non, encore une fois, hein, les magasins, je suis vraiment navré d'avoir à les nommer, mais ils n'ont rien à voir là-dedans. Hein, Super U, Hyper U, juste les travaux ont eu lieu chez eux et on se sert d'eux pour dire je paie un sous-traitant ou pas. Où en est-on ? Écoutez, j'ai appelé le Super U Saint-Zachary. J'ai eu une dame charmante qui m'a dit que son directeur n'était pas là, mais qu'elle allait le joindre sur son portable pour qu'il nous rappelle afin qu'il donne certaines informations. Bon, alors on va laisser tranquille pour l'instant monsieur Laurent Tarico, c'est l'entreprise TRM Père et Fils. On attend également que Grégory Abeille nous appelle. Marie-Christine, où en est-on ? Est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir votre fils ? Oui, allô ? Oui, allô, sortez le haut-parleur aussi, si vous l'avez. Attendez. Voilà, voilà. Attendez, Céline est en train de parler. Je vous écoute. Marie-Christine. Oui, j'ai essayé de l'appeler. À mon avis, il est en train sur le chantier, donc il travaille pour un employeur, donc ça sera un peu plus difficile à l'avoir. Mais je vais réessayer plusieurs fois ça et marche. Dès qu'il aura la possibilité. Bon, parce que vous voyez, il y a eu des accusations graves. Il faut qu'il puisse nous parler, votre fils, d'accord? Oui, bien sûr, parce que ce qu'il a pas dit, Monsieur Taricot, c'est que il dit depuis le mois de octobre que les travaux ont été faits. Moi, j'y suis allée au Super U et la poissonnerie fonctionne très bien. Donc après, mon fils, il met pas des morceaux de plastique sur les tuyaux. Ça, il faut arrêter de. Ah, Marie-Christine, encore une fois, que lui nous le dise, parce que c'est la parole de l'un contre la parole bien de l'autre. Sûr, oui, Bernard. Je complète cette information qui a été évoquée donc par le gérant. Il dirait que il y a un monsieur qui s'appelle Jonathan, qui est un technicien, qui aurait constaté qu'il y a du scotch derrière certains câblages. Donc c'est ça qu'on attend. Comme information de la part de Super Jean. Oui, mais moi-même derrière les oreilles pour me tirer la peau. Qui sont intervenus. Oui. Bon, écoutez, Marie-Christine. Marie-Christine. Oui, Marie-Christine. Après, de toute façon. Voilà. Pour pas payer, hein. Marie-Christine. Voilà. Là, tout ça, c'est du blablabla. Des uns et des autres. C'est aussi bien valable pour vous que pour lui. Oui, maintenant, oui. Les faits, rien que les faits, le directeur du Super U qui nous dit oui, je suis content, non, je ne suis pas content. Et après, sinon, s'il le faudra, ça sera tribunal de commerce. Dernier mot, Maître Felloneau. Oui, moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que tout le monde pourrait être mis d'accord s'il y avait eu un procès verbal de réception. Alors, la règle d'or, bien c'est sûr. Lorsque vous êtes maître d'ouvrage et que vous commandez des travaux, lorsqu'ils sont terminés, on doit vous faire signer un document comme quoi tout va bien. Et s'il y a des réserves dessus, justement, ça permet ensuite de voir les responsabilités des différentes entreprises intervenues. Mais si les choses étaient faites dans les clous, ça n'arriverait pas. Un devis, voilà ce que j'attends de toi, précisément, et voilà quand tu seras payé, combien tu seras payé. Ensuite, une lettre recommandée, tu as posé un tuyau bleu, j'avais demandé un jaune, tant que tu n'auras pas posé le bleu, je ne te paierai pas. Les choses seraient simples, mais comme il n'y a rien, qu'il n'y a pas de devis, qu'il y a du blabla, il y a du arrondi, eh bien, c'est le bazar. Alors, moi, je dis, c'est pas possible. Donc, nous allons essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça pour que tout le monde se sente bien. On n'est pas pour l'un pour l'autre, on est pour les deux. On est pour que les gens soient contents de regarder un bon match de foot ce soir, peinard. Dans quelques instants, nous reviendrons sur les pronostics d'Alain Hazard, le rédacteur en chef de cette émission, qui chaque jour, en tant que journaliste foot, puisqu'il l'a été pendant plus de 20 ans, a une connaissance parfaite qui lui permet de donner tous les jours un mauvais résultat. On y revient dans quelques instants. À 11h sur RTL. L'amour de la musique classique et de Serge Gainsbourg, c'est dans À la bonne heure. Avec Stéphane Bern. Et un amour de chanteuse. Rendez-vous ce matin à 11h avec Jane Birkin pour son 13e album studio et la tournée des concerts Gainsbourg, le symphonique. Nous aimions. Oh, bien plus que ça, Jane. Pour commencer, nous vous aimerons le temps d'une émission. À la bonne heure, à partir de 11h sur RTL. À tout à l'heure, 11h avec Jane Birkin. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200€ offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180€ supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100€, engagement 24 mois et conservation des numéros. Et si on parlait de Renault Pro Plus, avec Arnaud, plâtrier. Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons plus de 800 Master Grand Confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous allons attaquer le deuxième cas, si vous le voulez bien. C'est le cas de Sophie. Sophie qui était passée la semaine dernière, qui est passée aussi hier. Rappelez-nous de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Elle avait versé 1 400€ pour un plan de travail qui n'avait pas pu être livré dans les délais. On lui avait donc proposé de la rembourser, mais elle attend toujours depuis 2 mois et demi. Et nous avons Hervé Pouchol qui est en duplex enfin. Là, puisque, ben oui, ça va, je vais pas en plus me faire engueuler. Excusez-nous d'avoir eu un cas un peu compliqué pour la première partie. C'est quand même fort, quand même une émission ben oui, où l'animateur enfin. Se fait engueuler. J'ai pas que ça à faire. Je travaille dans des conditions déplorables. J'attends plein soleil. Bon, alors moi, Hervé. J'étais obligé de me réfugier dans un restaurant pakistanais et j'ai du mal à digérer du coup. Alors, à chaque fois, c'est un restaurant mais étranger comme fois. Ça. Mais tant mieux. Et d'ailleurs, l'ambulance oui, qui doit vous ramener au centre. Et toute proche. Rappelez-nous ce qui nous gêne dans ce dossier, s'il vous plaît, Maître Fellonneau. Ce qui me gêne, c'est que chaque fois on propose à Sophie, notre auditrice, un remboursement. Nous l'avons même eu de vive voix de la part de ce commercial qui prétend que maintenant ça bloque à la comptabilité. Alors on cherche maintenant à avoir cette comptabilité. Ça fait 2 mois et demi que ça traîne. Quand on promet, eh bien on respecte sa promesse. Ça me paraît un minimum. Eh bien, vous avez entièrement raison. C'est pour ça qu'Hervé, dans une seconde, est-ce que vous avez 2 minutes avant d'attaquer ? Ah oui, oui, je suis entouré de véhicules de police. Ah. J'ai été très, très surpris. Ah bon ? Parce qu'il y en a 4 ou 5 autour de moi. Mais à cause de quoi ? Et puis, en fait, je suis en face d'un commissariat. Ah, très bien. Il suffisait de se tourner pour effectivement s'apercevoir que vous étiez en face d'un commissariat. Moi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai eu très, très peur. J'ai eu peur et j'aurais dû avoir beaucoup plus peur le jour où je vous ai embauché. Le temps que vous interveniez, revenons donc à la Coupe du Monde, événement planétaire, et nous avons la chance d'avoir un rédacteur en chef qui un jour a changé d'orientation professionnelle puisqu'il était vraiment pendant des années... D'à quel support vous avez écrit pour le football ? Notamment Le Parisien et ensuite France Soir. Très bien. Et donc, vous faites des pronostics chaque jour. Voyons oui, le pronostic que vous avez fait hier. C'était sur quel match hier ? C'était le match de la Russie, je crois. Alors, Russie contre... Russie-Égypte. Russie-Égypte. Vous aviez déjà pronostiqué pour le match de la Russie d'ouverture un 0-0, puisque vous nous aviez dit qu'il n'y a jamais de but dans le premier match. Je crois qu'il y en a eu 5. Ouais, oui, vous oui. avez ensuite pronostiqué l'Angleterre, un match nul. Il y a eu 2-1. Ah, j'étais pas loin, 91e. Et hier, voilà ce que vous nous avez dit. Bon, alors plutôt 2-0 pour la Russie, mais ne pariez pas d'argent. Si quel est le score du match ? Non, mais la Russie a gagné. Oui, mais combien il y a eu ? Oh, 3. Hein, d'accord. Ceci étant dit, il se rapproche de la cible. Ça fait 2 buts ouais. d'écart. Hein, ça fait bon, maintenant, avant, il se trompait complètement. Quand c'était une défaite, c'était une victoire. Maintenant, il arrive à sentir le truc. Attention, ce soir, match important. Hein. Oui, mais alors. Ah, bah oui, réfléchissez. Donnez le bâton pour vous faire battre. Avant réfléchissez de donner, bien. Avant de donner un pronostic, réfléchissez un petit peu à ce que vous allez nous dire. Voici Oshi. Elle chante Tamarinière. L'extrait, il suffit d'y croire. Un album adoré par Séverin, notre programmateur. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits en fassent la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous te séparent la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous te séparent la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je plonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble. Cherchons un marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. célibataire jusqu'à demain. Elle se donne en air en maillot de bain. Marinière, cherche son marin, prêt à rester sur terre que pour sa main. La jeter à la mer, la marinière. C'est bien dommage. Oh, chi! Sur RTL. Allez, Hervé Pouchol, c'est à vous. On rappelle le cas Charlotte. C'est celui de Sophie. Elle attend depuis 2 mois et demi le remboursement d'un acompte versé pour un plan de travail qui n'a pas été livré. On n'avait pas réussi à joindre le gérant de la société Netovia. Et nous avons fait appel à Hervé Pouchol pour aller en duplex pour une raison très simple. C'est qu'à chaque fois qu'on appelle là-bas, on nous dit voilà, si vous arrivez à voir le patron, bon courage. À vous de jouer, mon cher Hervé. Alors, le magasin devait ouvrir à 9h30. Je ne veux pas balancer, mais ils ont ouvert à 9h38. Oh. Donc là, je vais rentrer. Il y a un premier monsieur qui est rentré barbu et il y a son collègue qui est arrivé 5 minutes après. Donc, je rentre actuellement dans le magasin. Bonjour, monsieur. Je suis Hervé Pouchol. Je suis le médiateur de l'émission de Julien Courbet. Visiblement, il n'est pas surpris de me voir. On aurait souhaité parler à Laurent Mercier. Est-ce qu'il est là ? Il n'est pas en boutique, malheureusement. Il n'est pas en boutique ? Vous êtes le commercial, peut-être ? Tout à fait. Oui, on s'est eu la semaine dernière, je crois. Alors, visiblement, c'est le commercial que vous avez eu, Julien. Je passe le casque à ce monsieur pour qu'il puisse vous entendre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis vraiment navré de vous déranger, monsieur. Vous n'y êtes pour rien. C'est pas mais grave. Comment c'est peut-on pas grave. Faire pour avoir ce monsieur ? Expliquez-nous, il y a un contexte particulier. Il n'est plus là, il ne vient plus. Non, il est ici, c'est l'agence commerciale. Donc ici, vous le verrez jamais, c'est normal. Donc le siège, il est à Boulogne. Donc il faut traiter directement avec le contact. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse là, de Boulogne ? Alors, bah, vous l'avez de façon sur le site, hein, c'est rue de Sigy, hein, donc à Boulogne, d'accord ? C'est numéro 43. Voilà, donc à savoir que... Oui, bonjour monsieur, c'est en étage, enfin on n'arrive pas nous à voir quelque chose, à un 40, ouais, une domiciliation. Apparemment, est-ce que c'est une domiciliation ? Non, c'est une société complète, il y a des bureaux, il n'y a pas de souci, il y a du monde, voilà. D'accord, eh bien on va essayer d'aller là-bas alors. Merci de me repasser, Hervé Pouchol. Oui ? Il n'y a pas de souci. Merci. Bon, merci, Hervé. Vous m'entendez, Hervé ? Oui, je vous entends. Voilà, il y avait deux adresses possibles, vous êtes tombé sur la mauvaise, vous aviez une chance sur deux, mais c'est pas grave, donc vous filez au siège si vous pouvez, mais vous n'avez que, pas beaucoup, hein, une quarantaine de minutes. Vous pouvez aller à Boulogne je en 40 minutes ? Je pars immédiatement. Allez, c'est sûr. Parti. À tout à l'heure, on fait un point sur la route. Il va au siège qui se trouve à Boulogne. On va se retrouver dans une seconde, on attaquera un troisième cas. Toujours pas de nouvelles pour l'instant sur le cas numéro 1 de nos amis de Super U. On en aura vers quelle heure ? J'espère que le directeur va me rappeler avant 10h45, Julien. Ça marche. On attend aussi le jeune homme qui travaille. C'est sa maman qui nous a appelé, mais je pense que c'est mieux maintenant, s'il a une boîte, que ce soit lui qui règle directement les problèmes avec son employeur. Prochain cas. On parlera de Chantal. Elle a voulu changer les volets de sa maison, mais le résultat n'est pas à la hauteur. Et le chantier a 2 mois de retard. À n'importe quel moment, bien sûr, en cette période de Coupe du Monde, et vous le savez, RTL vous propose le plus beau dispositif. La première radio de France couvre le plus gros événement sportif mondial. Mais en attendant les matchs, nous sommes là pour vous aider. Et c'est le 3210 pour nous joindre. Bonne journée. Décathlon, c'est aussi la joie du kayak, du spot parfait, du kiff de la randonnée en toute liberté. Des excursions en mer ou sur un lac, seul ou à deux. Avec tout le confort et la stabilité... Oui, on a compris. Cet été, retrouvez le kayak Itiwit 2 places, gonflable en 7 minutes et qui tient dans un sac à dos. À seulement 250 euros chez Decathlon. Oui, c'est ça. C'était en avril, parfaitement. L'Opel Karl, à partir de 6750 euros, avec 5 portes, climatisation, ado démarrage en côte. Et j'y avais pas cru Et l'offre, elle est passée, voilà, je m'en souviens. Le truc que j'aimerais oublier, je m'en souviens. C'est bien fait, la vie. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Karl est vraiment à partir de 6750 euros. C'est ça, 6750 euros. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec 70% d'économies sur plein de produits. Comme par exemple sur les Kinder Delice. Et en plus, ils sont garantis meilleurs promos. Résultat des courses, même mon mari rentre à 4 heures pour prendre son goûter. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive. Avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur des produits de grande marque. Carrefour. 2 fois 390 grammes, nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Détails, produits et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Dites-moi, mon petit, vous savez où Akena fabrique ses vérandas ? Oh non, madame Latsou. Eh bien, c'est en France, en Vendée même. Ah bon ? C'est bien ça. Mais c'est exceptionnel, vous voulez dire ? En plus, Akena est élu leader 2017 pour sa qualité de service par le magazine Capital. Ça vous épate, non ? Je pourrais peut-être faire appel à eux. Je veux, mon neveu ! Akena, c'est du sérieux. Faites-moi confiance, il n'y a pas mieux. Akena, la reine des vérandas. Pour EOVM CD Mutuel, je ne suis pas une seigneur, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. Et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique. C'est pour cela que Nicole a choisi EOVM CD Santé Vitalité. La complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOVM CD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVM CD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eov-mcd.fr. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot ? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil ? Pendant l'opération Fan de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, food veut dire nourriture. Alors il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité bien sûr, construire un balcon et agrandir le salon. Ok. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99 euros par mois. Loyer après apport de 1450 euros, montant hors taxe pour une LLD 24 mois, 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford, Lease, Bréman et Lease, voir Ford.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. L'arnaque en temps réel, si vous le voulez bien maintenant, c'est parti. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30-11h sur RTL. Le journal La Provence, vous voyez que nous restons dans le sud. D'ailleurs, tiens, j'ai donné une petite interview tout à l'heure à nos amis de La Provence pour parler du spectacle que je ferai à Marseille ce dimanche soir. C'est gratuit, c'est au Palais Longchamp, dans le cadre des estivales à Marseille. Et durant 1h30, sous le soleil marseillais, nous allons tous rire ensemble. Donc rendez-vous au Palais Longchamp dimanche soir. Et ce vendredi, je suis dans la Marne. Je suis à Bisseuil, vendredi soir. Alors La Provence nous explique, dans ses colonnes, qu'un policier s'est fait dérober son pistolet de service pendant qu'il déjeunait tranquillement sur la terrasse d'un restaurant en plein Marseille. Le sang du gardien de la paix n'a fait qu'un tour quand il s'est aperçu que sa sacoche suspendue au dossier de sa chaise avait disparu. Il a donné l'alerte. Bon nombre de ses collègues ont été mobilisés pour fouiller la zone au peigne fin. Au bout d'1h30, les forces de l'ordre ont fini par remonter la trace d'un SDF d'une soixantaine d'années. La mendiante n'avait pas l'arme en sa possession. Elle avait bien 2500 euros d'argent liquide sur elle. Les policiers pensent qu'elle pourrait avoir revendu le pistolet à des trafiquants. Faut le faire quand même. Une personne SDF qui pique un pistolet qui va immédiatement en 1h30 le revendre. Mais c'est bizarre. Il faut avoir les réseaux. C'est quelqu'un qui l'a. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui suivait le policier et s'est dit. Il y avait déjà les clients et tout. Enfin, moi, si demain vous me donnez un pistolet, je serais bien embêté pour aller le vendre en 1h30. Bon, en tout cas, lui, ceci étant dit, très bien. Bravo à tous les gars de là-bas qui ont récupéré le. Mais comme quoi, ça pourrait être peut-être une petite faute, on ne doit pas quitter son arme. Alors, à mon avis. Exactement, et d'ailleurs, apparemment, il serait sous le coup d'une procédure administrative et d'une potentielle sanction du fait qu'il n'a pas pu maîtriser son pistolet, effectivement, donc c'est grave. Bien, écoutez, tout est bien qui finit bien, en tout cas, pour l'instant. Mmh. Ah ben non, ça finit pas bien, puisqu'on n'a pas retrouvé l'arme. Excusez-moi, on a retrouvé alors, la personne. Ils l'ont pas retrouvée, elle l'aurait revendue, on ne sait pas à qui. Enfin, ceci étant dit, c'est pas une arme de plus qui va changer grand-chose non plus. Hein, on va dire les choses comme elles sont. Nous allons attaquer donc un nouveau cas, si vous le voulez bien. Mais auparavant, le pronostic donc d'Alain Hazard pour ce soir. Ce soir, il s'agit de quel match ? Match très important, Iran contre Espagne. Je vous rappelle que l'Espagne, pour l'instant, n'a qu'un point comme le Portugal. L'Iran a donc 3 points. Et vous dites n'importe quoi, est-ce que vous en êtes conscient ? D'accord. Non, donc l'Espagne et le Portugal sont à égalité avec un seul point. Donc en fait, ce que et vous êtes en train de dire, c'est que l'Espagne doit gagner impérativement. Absolument, absolument. Vont-ils le faire ? Oui. Combien ? Ah, on va dire 2-0. Alors, dites bien, avec, parce que nous, on enregistre et on rediffuse, on a, dites oui, bien mais j'ai bien, entendu, reprenez. L'Espagne va gagner 2-0 contre l'Iran ce soir. J'en ai assez. Voilà, je m'en à demain pour célébrer la victoire de l'Iran. Nous allons, oui. Je vous rappelle que demain, également, la France va jouer, c'est important, voilà. À 17h. Hein. Il n'y aura pas grand monde au bureau, j'ai l'impression. Bien évidemment. Nous allons nous retrouver sur l'antenne d'RTL dans une seconde. De quoi parlerons-nous, Charlotte, s'il vous plaît? Eh bien, juste avant de parler du cas de Chantal, on va faire Fabienne. Elle a déménagé sa pizzeria, mais le fabricant chargé du déménagement du distributeur automatique de pizza a endommagé le matériel. Depuis, il a été réparé, mais elle souhaiterait quand même être indemnisée pour le préjudice. Laissez-moi maintenant replonger dans ma jeunesse. Quand j'arrivais avec la 104 ZA que mon père m'avait achetée, commerciale, pas de banquette à l'arrière, garée en double fil, entrée au Macumba, chaussures bien cirées, petite veste que j'avais piquée à mon grand frère qui m'allait beaucoup trop grande, et me voilà sur la piste en train de regarder les filles. Fabienne et son mari sont pizzaïolo. Ils sont restés 21 jours sans travailler à cause d'un transporteur qui a endommagé le distributeur automatique de pizza lors d'un déménagement qui a coûté 5342 euros. Alors évidemment, il n'était pas content. Et au moment de faire la pizza, il a gueulé. Il a bien raison. Il s'est tourné vers sa femme, a regardé le four à pizza et en se déhanchant, lui a dit ça. Oh, sa femme lui a immédiatement répondu. Le problème, c'est qu'on n'a rien compris. Donc, on va leur demander dans quelques instants sur RTL. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h, le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80 euros offerts sur nos boîtiers. Oui, 80 euros. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Leclerc. Chérie, en ce moment chez l'auto Leclerc, il y a une promo sur l'achat et la pose de pneus Goodyear, Hankook ou Lofen. Oui, et donc? Bah, à la veille des départs en vacances, mieux vaut faire changer ses pneus usés maintenant plutôt que sur le bas-côté. Ah bah carrément. Du 19 juin au 14 juillet dans les centres l'auto Leclerc, pour l'achat et la pose complète de deux pneus Goodyear, Hankook ou Lofen, bénéficiez de 15 euros de réduction immédiate ou 40 euros pour 4 pneus. Voir modalités dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voilà, on a des beaux pneus neufs, deux grandes marques et un prix Leclerc. Et il est content. Parfaitement. Grise le musical. J'ai envie de danser, j'ai envie de faire la fête. Actuellement au Théâtre Mogador jusqu'au 8 juillet. C'est la première comédie musicale que je vois. C'est vraiment cool. M'attendez pas à ça. On a beaucoup ri, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Réservez vite sur www.griselemusical.fr. Avec RTL. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse, la différence. Si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, eh, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas. Et montés en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. C'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour deux pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est donc parti pour le cas de Fabienne qui est en ligne avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour Julien. Soyez la bienvenue. Vous nous appelez d'où Fabienne ? De la région toulousaine. C'est parti à Toulouse. Voici une histoire de pizzaïolo. Nous vous écoutons. Donc, nous avons vendu notre fonds de commerce qui était dans la région centre, mais associé à ce fonds de commerce, nous avions un distributeur automatique de pizza que nous avions donc en complément. Lorsque nous avons vendu notre fonds de commerce, nous avons souhaité garder ce distributeur et l'amener avec nous en région toulousaine. Donc ce déménagement nous a coûté en tout et pour tout 5 342 euros. Cette somme a été réglée au fabricant Apitec qui avait un contrat avec la société de transport Géodis. Sur les 340 000 euros, il y a eu 1 344 euros qui ont été reversés à Géodis pour la désinstallation, transport et installation. Par contre, c'est donc le Géodis qui a commis deux grosses erreurs et qui nous ont fait perdre 21 jours d'exploitation. Lorsque nous avons réclamé un remboursement et dédommagement à Géodis, Géodis nous a dit que notre interlocuteur était Apitec, le fabricant. Lorsque nous nous adressons à Apitec, il nous répond que Géodis est notre interlocuteur. Donc c'est une partie de ping-pong. Nous, en attendant, on a le bec dans l'eau. Alors, je vais vous poser une question, Fabienne. Est-ce qu'il y a eu déjà une sorte d'état des lieux du four avant qu'il soit embarqué ? Est-ce qu'on regarde en disant... Aucune partie endommagée, rien. Non, parce qu'il était en fonctionnement jusqu'au moment du déménagement. Donc, d'accord. Il n'y avait aucun problème. Ok, Fabienne. Fabienne, j'ai compris. Oui, je sais. Fabienne, je vais poser une question à Maître Novakovic. Est-ce que c'est embêtant quand il n'y a pas comme ça une sorte d'état des lieux, comme dans un appartement ? Je prends ce four que je dois amener dans une autre ville, je m'aperçois qu'il y a deux rayures à droite, etc. Alors, bien sûr, il y a des choses après qu'on ne peut pas voir forcément dans le moteur. Mais là, c'est des pièces visibles, endommageables. Comment ça se fait qu'on ne fasse pas cet état de... Exactement, mais c'est tant pis pour lui, hein, à la limite. Hein, c'est son problème. Ma question, c'était c'est plutôt favorable au client. C'est favorable à notre auditrice. Le fait qu'il n'y ait pas d'état des lieux, il est censé être en très bon état de marche et en parfait fonctionnement. Et donc, il doit en assumer effectivement aujourd'hui les conséquences si aujourd'hui il ne fonctionne plus. Rappelez-moi quels sont les deux. Il y a un fabricant et un transporteur, mais en quoi le fabricant serait incriminé là-dedans ? Non, le fabricant n'est pas incriminé dans l'histoire. Simplement, il a un contrat avec la société Géodis. D'accord. Nous étions, la facture totale a été réglée au fabricant qui lui a reversé la somme correspondant au transport à Géodis. Mais il y avait un contrat. Ok, on va appeler Fabienne, vous inquiétez pas. Un mot, Maître Novakovic, tout va bien ? Allez, c'est parti. Nous appelons tout de suite, c'est parti. Nous appelons d'abord le transporteur, si vous le voulez bien. Oui. Et nous allons essayer. Donc, vous êtes maintenant en attente de remboursement de 939 euros de frais de location pour les 21 jours pendant lesquels la machine était en réparation. Géodis Aromatique, quoi, à votre écoute. Géodis Aromatique, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Est-ce qu'il serait possible, madame, concernant un petit souci qu'il aurait pu avoir sur un transport, d'avoir, pourquoi pas, monsieur le directeur, monsieur Boulot ? Alors, je sais pas si monsieur Boulot est... Non, monsieur Boulot n'est pas là, hein, il n'est pas disponible. Alors, quelqu'un qui s'occupe du... Voilà, qui pourrait m'aider sur un transport qui a eu lieu d'un four à pizza qui aurait pu être endommagé. À qui puis-je parler chez vous ? D'accord, ne quittez pas. Merci madame, bonne journée. Vous récupérez l'appel Céline, oui, vous me passez l'interlocuteur dès que vous l'avez. Nous allons nous retrouver dans quelques instants et commencer peut-être aussi, alors le temps qu'ils répondent, la farandole des cas en cours. Oui, mais on va surtout revenir sur Chantal. Vous savez, on en avait parlé il y a quelques minutes, elle a signé un un devis de 6 870 euros pour changer ses volets, mais elle n'est pas très contente, Chantal, notamment parce qu'un des volets a été monté à l'envers. Mais non d'un yinche. Eh oui. J'avais oublié ce qu'elle a. Eh oui. Eh ben, il faut le faire. Dans une seconde sur l'antenne d'RTL, j'avais complètement oublié ces histoires de fenêtres et de volets. Alors, on va le faire dans une seconde, si vous le voulez bien. Est-ce qu'elle est là, Marie-Chantal? Marie-Chantal? Chantal. Oui, bon, non, pour moi, vous serez Marie-Chantal. Marie-Chantal. Oui, oui. Bonjour, Julien. Bonjour, vous nous appelez de quel château? Vous trouvez où aujourd'hui? Bonjour, Julien. Je vous appelle du Var. Ah oui, c'est là où vous avez votre chasse. Chantal, très rapidement, pouvez-vous nous parler de cet problème de fenêtre? Nous appellerons les personnes. Ah, bonjour, Vicomte. Il passe, il vous embrasse. Chantal, racontez-nous. Alors voilà, donc j'ai fait appel à une société que vous connaissez bien. Or, deux volets. Ah, parce que c'est ça en plus. Oui. Alors, vous voulez tous ma mort, hein, c'est ça aujourd'hui. D'accord. Bon, Julien. Donc, c'est une société qui vend des fenêtres et on voit un type là qui dit ça, c'est unique à la télé. Ouais. Bon, voilà. Très bien. J'assume ça, complètement. Ça, preuve ça. Est que quand ça arrive aussi sur ce genre de je le fais, parce que certains petits malins disent ah oui, on voit des petits messages, hein, le jour où il y aura un cas à fenêtre, vous le ferez pas, vous aurez honte. Eh bien non, je le fais, c'est la preuve, on y va. Je vous écoute, Chantal. Voilà, donc deux volets ne sont toujours pas posés. Un volet posé, enfin, a été fabriqué à l'envers, donc posé forcément à l'envers. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Les attaches-volets, donc des espagnolettes, ne sont toujours pas posées, donc aucune sécurité de volet fermé par l'intérieur. D'accord. L'entreprise devait venir donc poser au moins les deux volets qui sont en stock dans les entrepôts. Et il ne veut pas se déplacer parce qu'il veut changer en même temps celui-ci de la cuisine. Bon, eh bien écoutez, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, par contre, ce que je fais dans ces cas-là, je ne fais pas tout un cérémonial comme on le fait d'habitude, j'appelle le grand patron. Et je lui dis la chose suivante, grand patron, car je l'appelle comme ça, il est hors de question qu'un client soit insatisfait. Quelle est la solution que l'on peut trouver et surtout, quelle est votre version? Vous me laissez quelques secondes. Je l'appelle. Oui, bien sûr. Et je vous le dis. On va faire quelque chose. Mais qu'on arrête de me faire fabriquer des fenêtres, je leur ai dit, je suis capable d'en parler, je ne suis pas capable de les fabriquer. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Marc, client Netatmo. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on ne peut pas s'intéresser aux nouvelles technologies. Et quand elles sont utiles à ma sécurité et protègent ma maison, ben je fonce. J'ai installé facilement la caméra présence de Netatmo en remplaçant mon éclairage extérieur. Et ça marche très bien. Vous demanderez au cambrioleur qui s'est aventuré dans mon jardin. La caméra s'est allumée, il n'a pas demandé son reste. Bah, après ça, il n'a plus qu'à prendre sa retraite. Comme Marc, choisissez Netatmo. Des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente. Tout simplement. Belle matinée sur RTL. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Valérie, restauratrice? Vous dites, tout inclus pour mon trafic, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut les révisions, les plaquettes de frein, les pneus, et si votre trafic est immobilisé, vous avez un véhicule de remplacement. Vous dites aussi tout équipé? Bien sûr, nous avons près de 1000 trafics grand confort disponibles. Tout inclus, tout équipé et tout de suite, ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur Culligan.fr. Intermarché vous propose d'écouter un fan de food. On se la fait en 4-4-2? Oui, bah coupe-la déjà en 4, ça sera bien. En ce moment, chez Intermarché, la pizza Ristorante 4 fromages surgelés Dr. Oetker est à seulement 1,99€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 juin, 340 grammes, soit 5,86€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez les aliments gras, salé, sucré. Et bien sûr, food veut dire nourriture. On en parle. Darty propose des solutions de livraison pour répondre à tous les besoins de ses clients. Quand son réfrigérateur a rendu l'âme, Émilie s'en est fait livrer un nouveau dès le lendemain par Darty. Une expérience positive qu'elle nous raconte dans un instant. On en parle. Waouh, Sylvie, c'est toi? Mais T'as vachement minci. Bah, tu sais, ça fait 2 ans que j'ai perdu 15 kilos avec Comme J'aime. Et t'as rien repris? Bah non. Grâce à Comme J'aime, j'ai minci et j'ai surtout repris de bonnes habitudes alimentaires. Avec Comme J'aime, dites adieu à l'effet yo-yo. Perdez du poids durablement en prenant de bonnes habitudes alimentaires. Pour seulement 12 euros par jour. Oui, 12 euros par jour. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas un senior, je suis Didier. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. C'est le moment que j'ai choisi pour partir m'installer dans ma maison de campagne. C'est pour cela que Didier a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui lui offre le choix entre 20 niveaux de garantie et lui fait bénéficier d'un réseau de 230 agences partout en France. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur EOVI-MCD.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous avons deux cas là qui sont en parallèle. L'histoire d'abord du four à pizza Charlotte. C'était Fabienne. Son distributeur automatique de pizza a été endommagé pendant son déménagement. Depuis, le fabricant l'a réparé, mais elle aimerait bien un petit dédommagement parce qu'elle n'a pas pu travailler pendant 3 semaines. Est-ce que nous avons un interlocuteur chez nos amis de Géodis, aromatique, énorme boîte? Eh bien non, malheureusement, parce que le directeur était absent. En revanche, nous pouvons essayer de le joindre sur sa ligne directe. Alors, on essaiera tout à l'heure, car nous avons en parallèle un deuxième cas. Un cas donc de fenêtres, des fenêtres que je connais, puisque on nous a dit ceci. Oui, c'est Chantal, elle a signé un devis de 6 870 euros pour changer ses volets, mais elle n'est pas contente parce qu'il y a divers problèmes, notamment un volet qui a été monté à l'envers. Appelons maintenant, et on me dit qu'il est peut-être déjà en ligne, oui, le créateur, grand patron de Art et Fenêtres, monsieur Marc Etienne, qui a monté à la force de son poignet et de ses poignets, car il utilisait les deux mains, ce qui a fait sa force, cette grande marque Art et Fenêtres. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour Julien. Alors, monsieur le président, j'ai une Chantal qui est en ligne et qui a eu quelques petits soucis que l'on vient de vous expliquer. Que se passe-t-il exactement? Ouais, alors j'ai pas trop le temps de me retourner, j'ai juste quand même le temps d'appeler notre vendeur de Fréjus. Donc effectivement, il y a une erreur. Alors ça n'a rien à voir, lui il n'est pas fautif, il y a une erreur de notre part. On a effectivement fabriqué un volet pour le séjour qui était à l'envers. Bon, mais voilà, il y en a qui confondent, qui sont dyslexiques hein, chez nous, qui confondent la gauche de la droite. Donc ce volet est en fabrication et donc effectivement il reste des travaux à faire chez cette dame. Mais moi, mon revendeur me dit qu'il a appelé déjà à 4 reprises pour prendre rendez-vous avec cette dame. Alors j'en sais pas plus que ça. Et voilà. Donc Chantal, est-ce que vous avez eu des coups de fil? Oui, bon, Julien. Alors, des coups de fil, nous en avons eu quelques-uns au démarrage quand M. Berry a voulu venir constater les dégâts. Donc ça, c'était le 14 octobre. Le 14, oh là là, excusez-moi. Non, peut-être le 14 mai. Le 14 mai. Oui. Non. Mais nous, alors, nous avons tout fait par courrier recommandé et par mail en donnant les dates où nous étions libres. Bon, parce que nous ne sommes pas. Non, mais Chantal, si vous proposez. Écoutez-moi. Il n'a jamais répondu. Chantal, vous n'écoutez pas. On vous dit, vous avez envoyé des dates, très bien. Mais il l'a appelé 4 fois d'après ce que pense croire. C'est pas vrai. Donc voilà, bon, alors, écoutez. Bah, je sais pas. Moi, on va pas polémiquer là-dessus, parce que c'est ce que je dis à chaque fois pour tous les cas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un rendez-vous. Là, elle est prête, la fenêtre. Monsieur Berry s'est engagé à finir les travaux sans aucun problème. Il a même écrit dans ce sens-là, en disant, mais je suis à votre disposition pour finir les... Bon. Les travaux, donc il suffit juste de se fixer un rendez-vous. Est-ce qu'on peut se dire que là, quand on va raccrocher, Monsieur Berry, vous lui donnez un petit coup de fil, comme ça, il appelle directement Chantal qui est à côté de son téléphone et ils se mettent d'accord pour le remplacement. Tout non, est prêt. Mais... Oui. Excusez-moi, moi je voudrais que ça se fasse donc directement, parce que Monsieur Berry, c'est pas vrai, n'a pas jamais donné de date. Alors Chantal, écoutez-moi bien, Chantal, je vais. Non, Chantal, je vous laisse. Alors là, c'est pas parce que c'est Réfenêtre, je le fais quelle que soit la marque. Chantal, vous m'appelez parce que vous avez un problème, d'accord? Oui. Sinon, oui, vous ne m'auriez pas appelé. J'appelle le président. Oui. Je lui dis, il faut me régler ce problème. Je dis, Chantal va raccrocher, Monsieur Berry va appeler directement Chantal pour lui fixer un rendez-vous. Et vous me dites, non. Qu'est-ce que vous voulez alors, Chantal? Oui. je veux que soit fixée directement la date là maintenant, parce que alors le Chantal, problème, c'est pas moi qui vais poser. Alors on appelle Monsieur Berry. On va appeler Monsieur Berry, d'accord, Chantal. Voilà. Allez, on appelle Monsieur Berry parce que vous n'êtes pas assez important pour elle. Vous êtes que président de la marque. Non, de toute façon, je peux rien, moi. Ah mais si, mais bien sûr. Je peux rien faire. Pour mais il l'aurait appelé, mais elle a pas. Enfin, voilà, appelons Monsieur Berry si ça lui fait plaisir. Voilà, appeler Monsieur Berry, lui va donner une. Allez, c'est parti. Là, je crois qu'il y a encore un volet qui est en fabrication à l'usine parce que on devait comme le volet a été mal fabriqué, on devait confirmer avec Madame Berry la cote et ce qu'elle voulait. Donc, je crois qu'il y en a toujours un volet qui est en instance chez nous en usine parce qu'on n'arrive pas à accéder chez Madame Berry, quoi. Alors, on va voir. On va appeler Monsieur Berry. C'est pas un énorme souci. Mais non, il est en ligne. Faut juste qu'on sortisse un rendez-vous. Alors ça, on appelle le conseiller. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL, je suis en direct sur la radio, je suis avec Marc-Étienne qui est également en direct avec nous. Est-ce que Monsieur Berry est là? Oui, juste un instant, s'il vous plaît. Voilà, on va avoir Monsieur Berry. Bah oui, ça va s'arranger. Mais ça s'arrange toujours. Ça s'arrange toujours. Merci en tout cas pour la fenêtre sur mesure que vous m'avez faite pour la plage cet été. Ah oui, c'est pas je fais un carton avec. Je marche le long de la mer avec un encadrement comme ça qui me fait de l'ombre. Et les gens veulent savoir. On a mis des bretelles, Julien, pour vous en servir comme sac à dos. Monsieur Berry, vous êtes là. Bonjour, Monsieur Berry. Julien Courbet à l'appareil en direct sur la radio RTL avec un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Marc-Étienne. Nous avons une Chantal qui est en ligne. Et Chantal est un peu énervée. Elle veut ses fenêtres et il apparaîtrait que vous l'avez appelée. Mais vous nous dites, elle ne répondait pas. Elle dit, c'est pas vrai. Alors, on va pas remuer, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que ça ne nous fera pas avancer. Madame Chantal voudrait un rendez-vous. Quand est-ce que vous pouvez y aller, Monsieur Berry? Ah ben écoutez, moi je lui ai déjà proposé un rendez-vous donc ne revenez pas sur le passé, je vous en supplie, Monsieur Berry. On n'y revient pas. Ben écoutez, moi le plus tôt possible, je m'adapterai à son emploi du temps. Alors, sans aucun on y va. Souci. Chantal, quand est-ce qu'il peut venir? Lundi prochain. Lundi prochain, Monsieur Berry, est-ce que vous pouvez? Eh bien, sans problème. Lundi prochain, il sera là, Chantal. Son heure sera la nôtre. Quelle heure, Chantal? Ah, mais il me dit l'heure, c'est pas un problème. Non, allez-y, c'est vous qui choisissez, Chantal. Ben non, mais au début, 8h30, 9h, je sais pas quelle voilà, heure. Voilà, à partir de 9h, ça vous va, Monsieur Berry? Très bien. Bon, est-ce que vous avez tout le matos ou reste encore des choses en commande? Non, il y a encore des choses en commande, a priori, sinon en usine. Voilà. Ouais, Marc-Étienne, je crois qu'il y a un volet qui reste chez nous en usine pour le moment. Oui, c'est ça. Bon, mais vous allez vous inquiétez pas, on comprend rien ce que vous nous dites. Vous allez régler ça entre vous. Chantal, lundi, 9h, ils sont là, ils vous posent le volet. Sauf celui qui manque, il arrivera un peu plus tard. Pour celui qui est en commande de la cuisine, qui est à l'envers, il sera posé quand, quelle date? Parce que c'est quand même une commande du mois de novembre 2010. Ça marche. Alors Marc, quand est-ce que vous pouvez sortir son volet? Parce que là, on va tous se faire engueuler. Oh, je pense que d'ici une huitaine de jours. Huit jours de plus, Chantal. Ça vous va? Oui, bon, d'accord, ok. La date qui m'a été communiquée pour la remise en fabrication de ce volet manquant, dans le meilleur des cas, sera effectuée aux alentours de la troisième semaine du mois de juillet. Donc Chantal, ils viennent lundi 9h, ils reviennent grosso modo 15 jours après. Ça vous va? On verra avec Monsieur Berry. On voilà, c'est super. Mais le 25, pas de problème, pas de problème. Allez, ça marche. À lundi. La totalité, excusez-moi Julien, la totalité, les volets et les entrebailleurs qui ne sont pas posés seront tous posés lundi. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Sauf le volet de la cuisine. Sauf le volet de la cuisine. Oui, on est d'accord aussi. Non. Merci Chantal. Non. Ah non. Alors, merde, qui a dit non? Là, ça va pas aller. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir. Le volet qui sera aujourd'hui, donc le rendez-vous qui est calé lundi, c'est pour faire le point. Je ne pourrai pas poser de volet. L'ensemble du volet séjour et cuisine est de nouveau en fabrication pour un problème de peinture qui a été fabriqué à l'envers. Donc aujourd'hui, ça, le volet du séjour a été aussi fait à l'envers. Exactement. Donc aujourd'hui, mais vous l'avez jamais dit ça. Il est en cours de fabrication. Alors elle l'aura quand? Elle l'aura quand, Monsieur Berry? Alors dans le meilleur des cas, les deux volets manquants seront donc mis à notre disposition pour une mise en place dans le courant du mois de juillet à partir de la troisième semaine. C'est la date c'est où on va Pas tous en même temps. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour sauver la situation, s'il vous plaît, Marc-Étienne? Moi, je peux appeler l'usine ce matin et puis. Allez, d'ici une huitaine, alors, dizaine de jours, à mon avis, ça doit pouvoir être... Ça marche. Chantal, le grand président mais fait monsieur, en sorte d'accélérer. On n'est plus là après. Oui, mais attendez, on n'est plus là. J'ai compris, c'est pour ça qu'il va accélérer. Il va téléphoner à l'usine pour pouvoir le faire plus tôt, Chantal. Parce qu'après, vous n'êtes plus là. On est d'accord? Oui, vous êtes absente à partir de quelle date, madame? Bon, alors parlez-vous en antenne, parce qu'il faut que j'aille prendre un Doliprane, moi. Vous faites un très beau métier, Marc-Étienne. Je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Il y a une urgence, on le verra après. Là, il faut que j'aille boire un café. Mercedes-Benz. Alors, pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, hammam, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Écoutez, vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz? L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins Mobalpa sur mobalpa.fr. Patrick, j'ai dit non. On ne va pas au rayon poisson. Allez, aujourd'hui et demain, la barquette de filet de cabillaud sans arête est à seulement 2,95€. Mais t'es accro aux promos. Bah, c'est les jours faux de frais chez Netto, il y a des promos partout. Netto, le discounter qui fait la différence. 250 grammes, soit 11,80€ le kilo, pêché en Atlantique Nord-Est, liste des magasins participants sur netto.fr. Chérie. Oui. Est-ce que tu accepterais de venir en vacances avec moi cet été? Oh oui, je le veux. Vous allez faire un heureux pour les vacances d'été. Et oui, du 19 au 30 juin, c'est la promo duo TGV avec 2 billets pour le prix d'un. Faites vite, c'est jusqu'au 30 juin seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur Oui SNCF et en agence de voyage agréée SNCF. Dites donc, vous. Moi, madame Latsou? Bah oui, vous. Vous saviez qu'Akena fabrique aussi des pergolas? Ah oui. Et pas n'importe lesquelles, des pergolas bioclimatiques. Pour profiter de votre terrasse, les pergolas Akena, c'est extra. Et elles sont sur mesure aussi? Monsieur Akena, on fait ce qu'on veut. Même avec les pergolas. Je me suis regardé, hein. Ah oui? Bah, qu'est-ce qu'il croit, celui-là? Akena, la reine des vérandas. Ça va être la fête chez Carrefour Market. Eh bien, dites donc, mais c'est la fête ici. Ah oui, Michel, c'est parce qu'en ce moment, Carrefour Market fête ses clients. C'est vrai? Oui, et vous savez quoi? Jusqu'au 1er juillet, la 3e boîte de 6 cônes glacés extrême Nestlé est gratuite. Oh là là, vanille, chocolat, fraise vanille. J'adorais ça quand j'étais petite fille. Vous n'aimez plus? Si, mais c'est mes neveux qui les mangent tous. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Panachage possible, magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il s'est passé des choses puisque Chantal n'était pas contente en antenne, n'a pas très très bien parlé à Céline. Et du coup, Céline, vous avez préféré poser l'appareil et vous attendez que le calme revienne. Bah, j'ai même raccroché, si vous voulez. Qu'elle vous a dit quoi, Chantal? Bah, c'est-à-dire qu'hors antenne, je me suis permis quand même de lui dire de faire attention aux propos qu'elle tenait pendant l'émission, d'essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, comme on avait vu hier en préparant le dossier. Elle a dit qu'elle n'était pas contente de nous, que je lui ai dit qu'on faisait du mieux qu'on pouvait. Elle a dit, bah, je crois pas. Donc voilà, je me suis permis de raccrocher le téléphone. Moi, je ne peux pas faire mieux. À un moment donné, je rappelle que je ne suis pas juge, je ne le serai jamais. Dieu merci pour la justice française. J'appelle, je pourrais très bien dire, bah, tiens, comme c'est des marques en plus, et comme j'en assure la publicité, je ne le fais pas. Comme ça, on joue carte sur table, j'appelle le président, il y a eu un couac, c'est vrai, on le reconnaît, c'est pour ça que l'émission parle d'eux aujourd'hui. Elle s'en va, donc elle est inquiète parce qu'effectivement, elle part fin juillet, mais j'appelle le président qui est en train de dire, laissez-moi appeler l'usine, je vais faire un passe-droit pour elle pour que ça soit fabriqué tôt. Mais si après, on nous dit, vous faites pas votre boulot, vous servez à rien, ouais, effectivement, je ne peux plus grand-chose pour elle. Mais malgré tout, on va continuer. Ouais. Marc-Étienne est en train d'appeler l'usine pour avancer. Je voudrais qu'on revienne sur une alerte, 10h53, sur le cas de Marie-Christine. Un impayé de 2600€ pour son fils à cause duquel il a dû cesser son activité de plombier. Qui est en ligne? Alors, nous avons Grégory, donc le fils de la dame qui va nous parler, et nous avons aussi le directeur du Super U, M. Benamou, qui souhaite aussi s'exprimer à l'antenne. Alors, M. Benamou, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Allô? Monsieur Benamou? Ah, il n'est pas là. Ça a raccroché, ça raccroche de tous les côtés, là. Allô? Monsieur Benamou? Il ne m'entend pas, malheureusement. Alors, est-ce que le fils est là? Oui, il est là, le fils. Alors, le fils, on va faire très très vite, monsieur. Soyez sympa, répondez-moi par oui ou par non pour qu'on comprenne bien. Il y a eu des accusations contre vous. Première accusation, il avait des cigarettes médicales, on va dire, et qu'il fumait sur le chantier. Est-ce le cas ou pas? Je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Bon. D'accord. Il est resté dans la voiture pendant 3 heures à se reposer. Ah non, on n'avait pas le temps. D'accord. Il a posé du plastique sur les tuyaux, je sais pas quoi. Il a scotché du scotch à la va-vite. Non, je mets tout sur collier. Bon. Que je mets. Est-ce que le patron du Super U était content de vous? Oui. Est-ce qu'il vous a redonné du travail après? Non. Il ne nous a pas redonné du travail après parce que votre maman nous a dit il nous a redonné du travail après. D'accord. Bon, vous n'avez pas eu de lettre de Super U. Il m'a redonné. J'ai eu 2 bricoles à faire derrière, 2 évacuations. Mais c'est tout. D'accord. Est-ce que le monsieur du Super U est là ou pas? Pour l'instant, il ne répond pas. J'avais une conversation hors antenne avec lui en me disant que les travaux pour lui n'étaient pas encore terminés, mais qu'il avait quand même payé le prestataire en question malgré la sous-traitance et qu'il voulait trouver un terrain d'entente. Nathalie. Voilà la situation. Oui, donc il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux. Vous n'avez pas été convoqué pour la fin des travaux. Qui, moi? Oui. Oui. Non, parce que c'est voilà. D'accord, ok. D'accord, ok. Bon, bah alors en attendant d'avoir le Super U, donc vous réfutez tout ce qu'a dit Monsieur Taricot sur l'antenne. Hein. C'est ça. Travail bien fait, pas de soucis, vous n'avez pas le souvenir de quelque chose qui aurait pu le bloquer. Okay. Non, parce rien que du lui. Tout. Oui, mais sur le mail, vous l'avez reçu ce mail quand même où il dit il y a un chef de chantier qui est pas content, etc. On l'a lu tout à l'heure. Ça, vous l'avez eu, celui-là? Non, j'ai pas eu de mail. Si, vous avez un mail. Si, il y a des mails qui vous ont envoyé. Est-ce que vous pouvez me le ressortir, s'il vous plaît? On a ici un petit défaut. Oui, il y a des mails où il parlait effectivement qu'il y avait peut-être un petit peu de soucis, qu'il fallait voir avec Super U, enfin oui, Peru, peu importe. C'est un mail, donnez-le-moi, s'il vous plaît, Maître Markovitch. C'est un mail que vous avez reçu à 11h29 le 6 juin, où il dit... non, c'est pas celui de tout à l'heure. Ça, c'en est un autre. Il est là. Voilà. Il a fallu vous mettre à disposition mon personnel car vous n'étiez pas capable de descendre et monter les chauffe-eau. Il y a un gars de son personnel qui m'a aidé à monter. Enfin, ceci étant dit, voilà, il était haut, vous étiez seul. Bon, je vois pas où est le problème. Il faut de 100 litres, donc. J'en passe sur le comportement de votre part sur site. Réflexion du conducteur de travaux. Est-ce que le conducteur de travaux vous a fait des réflexions? Non, du tout. Bon, alors voilà où on en est aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que l'on va pouvoir avoir le patron du Super U. Le revoilà vite, il me reste combien de temps? 2 minutes. Monsieur Benamou, vous m'entendez? Monsieur Courbet, bonjour. Bonjour Monsieur Benamou, je suis navré. Hein. On vous dérange, vous êtes en plein boulot. Monsieur Benamou, je vais aller très très vite. Y a pas de souci. Est-ce que vous avez des choses? Oh, c'est adorable Monsieur Benamou. Est-ce qu'il y a des choses pour vous à reprocher à la plomberie et notamment à l'intervention de Grégory Abeille qui n'a pas été payé? Alors... Je vous rappelle juste le contexte. Moi, je suis le client de Monsieur Taricot. Tout à fait. Donc, le plombier, effectivement, a fait un travail fort sympathique. Il n'a pas terminé le jour même. Il est revenu le lendemain. Je sais qu'il y avait une histoire de non-paiement et de paiement, puisque la mère du plombier m'a téléphoné en me disant « Il est entrepreneur, faites quelque chose, accélérez le paiement, etc. etc. » Mais il y a un constat que je fais, moi, sur mon rayon. De toute façon, c'est que le travail n'a pas été terminé et que le plombier ne veut pas terminer le travail. Donc nous avons mené une action auprès de Monsieur Taricot pour qu'il puisse engager tout de suite une force de laissez-moi lui demander de travail. Laissez-moi lui demander, il est là. Vous ne voulez pas terminer le travail, Grégory? C'était quoi terminer le travail? Parce que moi j'ai intervenu pour tout ce qu'on m'a dit. Alors demandez-lui qu'est-ce qu'il faudrait qu'il termine en plomberie. Je parle à Super U. C'est à moi que vous parlez? Oui. D'accord. Il faudrait que je fasse le point avec ma direction technique pour être sûr que du sujet. Mais je sais que je pense que le travail n'a pas été terminé, en tout cas sur le. On parle de plomberie. Sur le rayon poisson. Bon, alors. On parle de plomberie uniquement. Alors, effectivement. Ce que je vous propose. Avec Taricot, effectivement, le travail n'a pas été terminé. En plomberie, et spécialement. Je pense que on est arrivé au bout. Bon, alors, je vous propose, s'il vous plaît, je suis en fin d'émission. Ce que je vous propose, Monsieur de Super U, merci encore de nous parler. Faites le point sur la plomberie, uniquement la plomberie. Dites-nous, si vous le pouvez dans les jours qui viennent, ce qui a été bien fait ou mal fait, ce qui est terminé ou à terminer, lui dit qu'il pense qu'il a tout fait. Comme ça nous permettra de dire à Monsieur Taricot, le plombier a tout fait, vous ne l'avez pas payé. On peut faire ça? Aucun souci. Merci, vous êtes vraiment Monsieur les nouveaux commerçants. Monsieur Taricot, je vous demande de m'appeler. Oui, on va l'appeler, vous inquiétez pas, je vous parle hors antenne. Merci en tout cas à vous, à Super U, merci. On se reparle demain, après-demain, merci. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Filorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur filorga.com.